Bonjour cher Emmanuel et bonjour à tous. Je vous emmène ce matin sur un studio de tournage en 1938 à la rencontre du réalisateur Marcel Carné qui réalise un long métrage adapté d'un roman de Pierre Macorlan, l'inventeur du fantastique social. Le roman s'appelle « Quai des brumes » et c'est Jacques Prévert qui en adapte les dialogues pour le cinéma. Attention, ça tourne. Zéro. 153 premiers. Parfait. Nous sommes à Joinville, sur le plateau Est, où Marcel Carné donne, avec éclat, vous l'avez entendu, le dernier tour de manivelle de Quai des Brumes, d'après un roman de Pierre Macorlan. Au fond, un vaste panorama recrée l'atmosphère brumeuse du Havre. Sur le ciel se découpent les silhouettes de Saint-Paquebot, piquées de lumière vive, à gauche un terrain vague, une cahute minable, le caboulot où viennent se réfugier les mauvais garçons en rupture de banc. Noyant le tout, une brume épaisse, surgit pour l'instant du long serpentin d'une machine étrange, la machine à faire le brouillard venue tout droit de Hollywood. Et, au premier plan, un cabriolet couvert de boue, derrière lequel s'abritent trois jeunes gangsters. Profitons d'un moment de répit pour demander au jeune réalisateur du film, Marcel Carné, ce qui, dans le roman de Pierre Macorlan, l'a plus particulièrement attiré. Mais surtout que par son atmosphère de brouillard, de brume, de pluie, et puis surtout par ses personnages, que plus intéressants qu'on trouve d'ordinaire dans le commerce de librairie. La fatalité pèse beaucoup sur les personnages, oui. Du début jusqu'à la fin, un drame assez violent, enfin tout de même égayé par certains gags. Alors ces gags ne sont pas très nombreux dans le Quai des Brumes, mais le brouillard, lui, est présent tout le long du film, dans la tête des personnages, mais aussi dehors. Et ce, dès la première scène du film, où Jean, interprété par Jean Gabin, a été pris en autostop par un camion pour se rendre au Havre. Voici le premier dialogue. Hé hey hey, on est arrivé. Hein? L'Havre. Ah oui, l'Havre. Tu parles d'un brouillard. Ça me connaît le brouillard, j'étais au Tonkin, alors tu comprends? Tu rigoles? Il n'y a pas de brouillard au Tonkin. Il n'y a pas de brouillard. Si, il y en a. Là-dedans. T'es pas seul, mec. Des conneries pareilles à 60 à l'heure et pour un chien? Un chien, c'est un chien. Mais mes os, c'est mes os. Si t'as la fièvre, t'as qu'à prendre de la quinine. C'est pas parce que tu viens des pays chauds que tu vas faire la loi sur mon camion. Mon camion, tes os. Puis si t'es pas content, t'as qu'à descendre, moi je vais te l'esprit, tes os, tu vas voir avec cave. Parfaitement, oh, descends, qu'est-ce que tu crois? On va tout de même pas se bagarrer pour un cleps, non? Hein? Mais tu sais, faut la porte, tu crois que je me dégonfle? J'avais qu'à t'agrafer comme ça, je t'ai filé ma tête dans la gueule et puis. T'avais le bonjour pour ta clé anglaise. Je l'avais prise parce qu'on ne sait jamais, des fois que t'aurais voulu tirer. Tirer? Ah, tais-toi, va, tu causes sans savoir. Loin une cigarette, ça vaudra mieux. Ça n'a l'air de rien de tirer. C'est comme à la fête. Comme sur les pipes, tu sais. Tu tires et puis. Le bonhomme pousse un cri. Mets ses mains à son ventre avec une petite grimace marrante comme un môme qui aurait trop bouffé. Puis ses mains deviennent rouges. Puis il tombe. Puis on reste tout seul. On comprend plus rien à rien. Comme si le paysage se débinait. Enfin, hein, je suis arrivé, je te remercie, tiens. Sans rancune, hein. Bien sûr. Alors, voilà. Tu prends pas le paquet? Bah et toi? J'en ai d'autres. Ah bah alors comme ça, ça va. Merci. Salut. Bonne chance. Bonjour Philippe Morisson. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Vous êtes un grand connaisseur du cinéma dit du patrimoine des années 30 et 40. Vous animez un site internet en hommage à ce cinéma-là qui s'appelle labelleéquipe.fr. Vous avez aussi coécrit un livre qui s'appelle Magicien du cinéma Carné, Prévert, Tronner aux éditions Les Arènes en 2012. Et c'est avec vous que nous terminons cette série sur la collaboration Carné, Prévert avec ce film. Alors, ce film dont Quai des Brumes, donc, dont Marcel Carné disait dans l'archive qui a ouvert cette émission que c'était surtout un film d'atmosphère. Ça le décrit très bien. Voilà, et ça le décrit très bien et ça décrit également très bien Marcel Carné. que je considère un peu comme un créateur d'atmosphère, parce que ces films, Le Jour se lève, dont je sais que vous avez parlé hier, c'est aussi un film d'atmosphère, Hôtel du Nord, c'est pareil, Génie, Les Enfants du Paradis même, c'est un film d'atmosphère, et c'est vraiment quelque chose qui caractérise Carné, et il a toujours fait attention, Les Portes de la Nuit aussi par exemple, et il a toujours fait, pour lui, c'est l'atmosphère, c'est une partie prenante du film, autant que les acteurs, que l'histoire, enfin... Pour lui, c'est vraiment important. Il insiste beaucoup, même après sa période, après sa collaboration avec Prévert, il a continué après, avec plus ou moins de réussite, mais il a continué encore à essayer de créer cette atmosphère. Je pense à un film qui s'appelle Trois chambres à Manhattan, des années 60, avec le même chef opérateur, Eugène Schuftan. J'en profite pour le citer déjà. Et l'atmosphère vient de son talent de réalisateur, il l'a créé par l'image ou est-ce qu'elle est présente déjà dans les dialogues et les scénarios de Prévert? Déjà, elle est déjà présente dans le roman de Macorlan. Déjà, il y a une atmosphère déjà quand on lit le roman qui est très différent du film. Donc, vous êtes ceux qui ont lu le roman ou ceux qui ont vu le film et qui n'ont pas fait l'autre, inversement, ne vont pas retrouver. Il y aura juste le nom de Nelly. On va retrouver le peintre. Mais voilà, c'est en fait dans le roman, il y a vraiment cette atmosphère assez un peu poisseuse, le brouillard est très présent, le roman se déroule à Montmartre, autour du lapin agile. Donc ça fait déjà partie du roman, et puis également, évidemment, Carné et Prévert s'entendaient très bien sur ça. Ils ont décidé tout de suite de transposer le roman dans un port. Donc au début, ils étaient partis sur Hambourg, parce que le film devait être coproduit en Allemagne, à la UFA. En fait, il y a une ambiance un peu de film impressionniste allemand à Murnau. Oui, voilà. Et d'ailleurs, c'était une grosse influence de Carné. Il cite Le Dernier des Hommes, par exemple, qui est un film admirable des années 20. Et c'est pour lui, c'est vraiment c'est son influence cinématographique vient vraiment du cinéma expressionniste allemand. Et puis également des films de Muet, de von Stenberg, comme Les Damnés de l'Océan, dont on... Justement, il y a un rapport entre Les Damnés de l'Océan et Le Quai des Brumes dans l'atmosphère un peu du film, la manière de filmer aussi. Et donc, Prévert également, dans les dialogues, évidemment, il en rajoute, ça c'est normal, sur le brouillard, la brume, on va y faire référence assez régulièrement, en plus de l'image. Et de la machine à brouillard qu'on a entendu, de l'archive qui a ouvert l'émission. Alors oui, ce brouillard, il brouille en fait autant la vue que les idées. Parce que finalement, non seulement on parle du brouillard tout au long du film parce qu'il est présent dans l'atmosphère, mais on a aussi affaire à des personnages qui n'ont pas les idées claires et qui passent leur temps à se remettre en question, à ne pas savoir comment agir, jusqu'à la toute fin du film où il y a un dernier retournement alors qu'on pensait que tout était terminé. Oui. C'est aussi le sens métaphorique du terme. Oui, voilà, c'est que en plus, c'est des personnages qui sont... ils sont perdus, en fait. Chacun des personnages est perdu dans sa vie. C'est aussi le contexte de l'époque aussi, elle l'explique. Mais même dans le roman de Macorlan, aussi, c'est des personnages qui sont déjà perdus, même si le roman se déroule au début du XXe siècle. C'est des personnages, c'est plus Carné et Prévert, et même en dehors de Prévert, a toujours... les personnages de Carné sont souvent des solitaires, des solitudes qui peuvent rencontrer de temps en temps d'autres solitudes qui vont pouvoir se rencontrer le temps, ça va durer le temps. Là, par exemple, ça va durer le temps d'une nuit avec Nelly, avec Michel Morgan. Et puis, généralement, ça va se terminer... à cette époque, les films se terminent plus souvent mal. Oui. Il n'y a pas trop de happy end dans les films de Marcel Carné. Donc, c'est des personnages qui se cherchent en même temps. Aussi, il faut parler du contexte de l'époque. On est en 1938. Et justement, sur cette scène qui les dialogues de Prévert mettent en avant ce côté pacifiste de Prévert. Et c'est quand même assez courageux de faire ce texte sur l'absurdité qui démontre l'absurdité de la guerre. Alors, parce que le personnage de Jean, joué par Jean Gabin, est un déserteur. Voilà. En fait, c'est pas dit dans le film, parce que la censure l'a absolument interdit, mais on a bien compris, quand on voit le film, c'est un déserteur. C'est pourquoi il décrit, dès cette première scène que nous venons d'entendre, ce que ça fait que de tirer sur quelqu'un. Voilà. Et il le dit de manière, en plus, c'est très, très fort, les mots qu'il emploie, enfin, que Prévert lui l'a mis dans sa bouche, c'est vraiment fort. Et ça rappelle, donc, ce fameux poème de Prévert, Barbara, quelle connerie la guerre, et c'est quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché, parce que, on est dans une période, où les pacifistes sont pas très bien vus. D'ailleurs, le film aura, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, aura pas mal de problèmes lors de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il va être censuré au début de la guerre. Donc c'est il est censuré au motif qu'il serait trop démoralisant. Voilà, oui, qu'il est décadent, morbide. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a vraiment des commentaires de certains. Il y a Georges Sadoul qui dit que c'est la politique du chien crevé. Il y a ce fameux mot de Jean Renoir qui fait une contrepétrie sur le qui débrume le cul des brèmes et en se moquant du film. Il se moque plus que ça en fait. Il dit que c'est en fait les personnages de ce film, il les trouve assez décadents, tout ça. Il dit que c'est des personnages qui appellent il emploie le terme la trique fasciste. C'est-à-dire que ces gens-là ont besoin d'un dictateur pour remettre de l'ordre là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il va, ça va loin quand même. Parce que ce sont des personnages en pleine errance. En fait, il y a ce Jean qui est déserteur, oui. Il va, ne sachant pas où aller, il va se retrouver dans une espèce de maison, la cabane de Panama, qui est tenue par quelqu'un qui joue de la guitare et qui est généreux, qui est gentil, qui l'accueille. Il lui offre à manger, il rencontre un peintre qui parle de son travail, on comprend que ce peintre est suicidaire, et il rencontre Nelly, cette jeune femme jouée par Michel Morgan, dont on va apprendre plus tard qu'elle vit avec un tuteur, interprété par Michel Simon, qui est un abominable personnage. On a vu hier comment le rôle du père était toujours mis à mal par Prévert, mais alors là, on a atteint toute forme toute limite, je crois. Et puis il y a des personnages qui sont aussi du côté du mal, parce que finalement c'est assez manichéen, ils sont troublés, mais bon, il y a quand même les gentils et les méchants, et oui. Notamment Pierre Brasseur qui joue Lucien Legardier, qui est le chef de bande, qui veut du mal à Nelly, et que Jean va venir défendre. Tous ces personnages, au fond, se rencontrent, se croisent, sans qu'aucune intrigue réelle ne reprenne le dessus. Le brouillard est vraiment ce qui recouvre tout. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est ça qui a dû désarçonner la critique et la réception du film. C'est un film, qui, je pense, d'autant plus à sa sortie, qu'à l'époque, la majorité des films, c'était plutôt des films, assez ensoleillés, ou des comédies musicales, des films aussi. Quand on parle de militaires, ça va être, par exemple, Les Gaîtés de l'Escadron de Maurice Tourneur, un film qui met un peu... c'est un peu pas des satires, c'est des comédies gentillettes sur l'armée, mais ça va pas très loin. Et là, quand même, tout de suite, là, Carney, il arrive, il disait, avec son pavé humide, son brouillard, évidemment, là-dedans, et ça fait un peu, entre guillemets, tâche, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est... donc lui, et ce qui est intéressant, c'est que le film sera un énorme succès. Et donc, comme quoi, les gens, quand on leur donnait autre chose, ils étaient ouverts, ils attendaient un film pareil en même temps. Donc, c'est intéressant, cette ironie, en fait. Alors, avant d'entrer plus précisément dans le film, vous faites partie des gens, Philippe Morisson, qui tenait Carnet pour un auteur réel à part entière. Tout à fait. Ah oui, alors là, c'est vraiment une des choses qui me motive, c'est de défendre Carnet en tant qu'auteur. Parce qu'il a été très décrié là-dessus, peut-être que certains le savent pas, mais c'est vraiment un truc dont il a beaucoup souffert, en fait. Parce que on a beaucoup dit, surtout quand sa collaboration avec Prévert s'est terminée, on a beaucoup dit que, en fait, et Truffaut le premier avait dit cette phrase qui est assez terrible, quoi. Je pense que Carnet l'a vraiment mal pris. Et qui a dit que Carnet était juste un metteur en image des scénarios de Prévert. C'est vraiment réduire le réalisateur à un rôle vraiment subalterne et vraiment anecdotique. Et quand on sait la difficulté de faire un film, surtout quand faut rappeler que Carnet, à l'époque de Quai des Brumes, c'est un jeune, il a 32 ans à la sortie. Et ses aînés, Renoir, ont 40, plus de la quarantaine. Donc il a vraiment, je pense, souffert de ça. Et voilà, enfin, je pense que c'est un auteur. Quand le cinéma descendra-t-il dans la rue ? Qu'on se rassure, rien de révolutionnaire dans un tel titre, mais plus simplement l'interrogation de plus en plus angoissée de quelqu'un qui ne voit pas sans irritation le cinéma actuel se confiner en vase clos, fuir la vie pour se complaire parmi le décor et l'artifice. Jadis, nous voulons dire au temps, hélas, déjà lointain du film muet, quelle que soit leur appréhension, leur gêne de tourner au milieu d'un groupe de badauds, les dévisageant avec une curiosité narquoise, des cinéastes choisis parmi les plus talentueux, ou même tout simplement amoureux d'un métier dont ils entrevoyaient toutes les possibilités artistiques, n'hésitez pas à descendre dans la rue, afin de saisir, grâce à l'objectif, un coin merveilleux de ciel, une rue grouillante d'animation et de vie, ou la perspective imposante d'une avenue calme, austère et froide. Et qu'on ne vienne pas nous dire que la littérature ferait défaut. Le mot « pas plus que la chose ne nous effraie. Décrire la vie simple des petites gens, rendre l'atmosphère d'humanité laborieuse qu'est la leur, cela ne vaut-il pas mieux que de reconstituer l'ambiance trouble et surchauffée des dancings, de la noblesse irréelle des boîtes de nuit, dont le cinéma, jusqu'alors, a fait si abondamment son profit. Quand le cinéma descendra-t-il dans la rue ? C'est le titre d'un article que Marcel Carnet a écrit en novembre 1933, paru dans Ciné Magazine, et que je viens de lire pour que vous puissiez le commenter, Philippe Morisson. Oui. Nous parlons donc du film qui a des brumes aujourd'hui. Mais voilà, difficile de comprendre ce film sans comprendre cette position de Marcel Carnet à l'égard du cinéma. Oui, voilà, c'est que pour lui, le cinéma, c'est quelqu'un... Il est né en 1906, Carnet. Donc il a découvert le cinéma quand il était donc gamin. Il a évolué avec ses goûts ont évolué avec le cinéma au fur et à mesure que le cinéma a évolué, c'est-à-dire que quand les grands chefs-d'œuvre du cinéma muet dans les années 20 sont sortis en salle, bah, il avait l'âge pour les voir, les apprécier, s'enthousiasmer dessus, donc d'où les Murnau, les Lang et d'autres, plus des Français, Jacques Feder, René Clair, tout ça. Donc il est vraiment né avec, et pour lui le cinéma, mais toute sa vie, c'était, il dit que c'était un peu comme une religion, comme une quelque chose, c'était vraiment le but de sa vie, quoi. Même ça lui a été reproché sur certains tournages où pour lui on disait oui, s'il avait besoin d'un terrain vague, un grand terrain vague, et qu'un quartier de Paris pouvait être soufflé par une bombe, ça plairait à Carnet. Enfin bon, j'exagère un peu, mais c'était un peu ça, quoi. Donc c'est vraiment, il a pour lui le cinéma, c'est vrai, ça a vraiment une importance qui s'est, je pense, qui est plus difficile pour maintenant à comprendre de nos jours. Je pense pour eux, c'était vraiment le cinéma avait vraiment une force vraiment. Que j'ai du mal à décrire, je pensais. Ça se voit dans les écrits que j'ai retrouvés de Carnet, dont celui-ci, qui est l'article fondateur, en fait. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il date donc de 1933, et on est quelques années avant sa rencontre avec Prévert, on est 5 ans avant Quai des Brumes, et dedans, déjà, on retrouve déjà ce qu'on... Déjà, déjà ce goût pour l'atmosphère, dont il parle bien, plus également... L'atmosphère d'humanité laborieuse, dit-il. Ouais, ça, c'est décrit très bien, voilà. Ce film. Et donc c'est non seulement l'atmosphère de manière générale, mais également l'atmosphère laborieuse, donc des petites gens dont il parle, donc des ouvriers, des employés, qu'on voit beaucoup dans ses films. Et là-dessus, il s'entendait très bien avec Prévert, qui avait également ce même goût pour ces petites gens. En fait, je pense que là-dessus, ils s'en sont vraiment très bien entendus. Et c'est intéressant aussi dans cet article, c'est qu'il donne des références, parce que souvent Carnet, en fait, il donne pas beaucoup de références, à part au niveau cinématographique, mais là, dans cet article, il va citer, donc en littérature, il va déjà citer Macorlan. Oui. Et qu'on ne vienne pas nous dire que la littérature ferait défaut, dit-il. Hein. Voilà, donc il cite Macorlan, il va citer Eugène Dabi, dont il va adapter Jules Romain, six mois après pour Hôtel du Nord. Il cite Jules Romain, il cite également des photographes, ça c'est intéressant, parce que Prévert est un grand ami de Brassailles, et il cite déjà Brassailles dans cet article. Il cite Kertész, il cite Germaine Krull, des grands photographes humanistes. Les artistes qu'il cite, on voit qu'ils partagent la même démarche, ce goût pour donc les petits gens, pour l'homme, pour le quotidien. Et ça, je veux dire, c'est une démarche qu'on retrouve dans le milieu artistique de l'époque. Les photographes, la littérature, la musique, parce qu'il y a la musique de Quai des Brumes, c'est Maurice Jobert. Et on sait aussi que Cosma, avec lequel Carnet a beaucoup collaboré, c'était aussi important. Il va parler aussi peinture, il parle de Utrillo, Maurice Utrillo, de Flaminck aussi. C'est tout ça, c'est pour dire que ça, tout ça s'inscrit dans un courant artistique dans lequel Carnet a baigné, dans lequel il se reconnaissait. Et courant artistique d'ailleurs qui fait penser au personnage du peintre dans Quai des Brumes. Revenons à ce film quand même pour voir comment ce qu'il a dit par ailleurs dans cet article que je vous remercie de nous avoir fait découvrir, parce qu'effectivement il n'est pas connu et change peut-être la perception qu'on peut se faire de Marcel Carnet. Eh bien, comment est-ce qu'il met en œuvre cela dans son cinéma? Écoutez cette scène, donc un peu plus tard dans Quai des Brumes, Jean va donc aller dans cette cabane de Panama qui tient une sorte de bistrot, et donc il l'accueille, il lui donne à manger, etc. Puis il rencontre un peintre qui s'appelle Cross, et qui est très étonnant parce qu'il est à la fois très lucide sur son travail et en même temps complètement, angoissé comme tous les autres, mais vraiment suicidaire. Écoutez comment il en parle. Là, on a toute la poésie et le talent de Prévert, au service du désespoir. Salut, Panama. Salut, Michel. Il y a du monde ce soir. Oui. Et du beau monde. Oh, le monde, il est comme il est. Plutôt sinistre, plutôt criminel. Il y a pourtant de jolies choses dans le monde, à ce qu'on dit. Vous n'avez qu'à les peindre, les jolies choses. Les peindre? J'ai essayé, j'ai peint des fleurs, des jeunes femmes, des enfants. C'était comme si je peignais le crime avec tout ce qu'il y a dedans. Je verrais un crime dans une rose. C'est ce qu'on appelle la peinture au couteau. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple qu'un arbre? Pourtant, quand je peins un arbre, je mets tout le monde mal à l'aise. C'est parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un de caché derrière cet arbre. Je peins malgré moi les choses cachées derrière les choses. Un nageur, pour moi, c'est déjà un noyé. Des natures mortes, quoi. Mais tais-toi donc, imbécile. Mais non, l'imbécile, c'est moi. Pour vraiment être un imbécile, pour vivre comme ça dans le malaise, dans l'angoisse. Vous ne trouvez pas, non? Ce que je trouve, c'est que vous êtes vachement compliqué, vous alors. Oui. Oui, mais tout va s'arranger. J'ai fait le tour, la boucle est bouclée. Vous pensez toujours à vous tuer? Il y a des gens qui vont à la pêche, à la chasse, à la guerre. D'autres qui font de petits crimes passionnels. Il y en a quelquefois qui se suicident. Il faut bien tuer quelqu'un. Et vous, je suis sûr, si je faisais votre portrait... Oh, ça va, foutez-moi la paix, hein. Je vous peindrai les mains dans les poches, la nuit dans le brouillard. Oh merde, j'en ai marre. Vous jactez, un mois on amène un autre et puis les grandes phrases arrivent. Ça me casse les pieds, moi, les grandes phrases, t'entends? Vous avez bu aussi? Ouais, tais-toi, tu causes sans savoir. Parce que je me mets en bout, tu te figures que j'ai bu, hein, tête de lard. Eh ben j'ai pas bu. Seulement j'ai pas becté depuis deux jours, c'est marrant, hein. T'avais qu'à dire, je voudrais bien manger un morceau, c'était pas difficile. Oui, oh, je sais bien. Quand on a faim, on devrait dire j'ai faim, puis ça devrait s'arranger seulement. On ferme sa gueule, l'orgueil. J'ai de l'orgueil, moi, hein, c'est marrant, ça. Une forte tête, comme ils disent. J'ai de l'orgueil, une forte tête, là, parfaitement. Une forte tête, là. Alors ce personnage de Jean, donc interprété par Jean Gabin, qui ressemble, qui est vraiment à l'image qu'on se fait de Jean Gabin, à la fois dans la virulence et parfois la grossièreté, et en même temps la douceur et la délicatesse, il allie vraiment les deux. Et d'ailleurs, il dit au peintre qui est très touchant, mais très désespéré aussi, et qui parle peut-être trop bien pour lui, il dit « mais vous êtes vachement compliqué », et il lui demande de se taire. Et il lui reprend cette phrase qu'il avait dit déjà au chauffeur de camion qu'il avait pris en stop, « tu causes sans savoir ». C'est la phrase qui revient le plus dans sa bouche, « tu causes sans savoir ». Ce qu'il ne supporte pas, c'est que les autres puissent parler sans avoir vécu ce que lui a vécu. Oui, parce que donc c'est un déserteur, il a parlé, il était au Tonkin, et apparemment il a tué... Des gens là-bas, et c'est vraiment on voit qu'il est très marqué par ce passé de la, on disait la coloniale à l'époque, par rapport à ça, et on voit qu'il est vraiment la manière dont il explose là face au peintre quand il parle de sa forte tête, c'est très fort, je trouve, parce que quand il explique que c'est parce qu'il a pas mangé depuis deux jours, et que c'est par orgueil qu'il a pas osé demander à manger. Ouais, c'est fort, et c'est même un truc qui peut nous parler toujours de nos jours, quoi, parce que malheureusement il y a toujours des gens qui sont dans ce cas-là qu'on faim et qui pourraient exploser de la même manière en disant ouais, j'ai une forte tête. C'est fort. Enfin, je trouve que le film, même si je fais un petit aparté, mais même si le film date de 1938, il résonne toujours de nos jours. Certaines parties du film résonnent de nos jours. Voilà, par rapport à ça, entre autres, plus d'autres parties du film. Vous pensez à quelle autre dimension du film? Je pense sur le fait qu'il y a tout ce côté un peu désespéré du film. C'est quand même le monde dont parle le film. C'est un monde qui... Gabin parle, quand il parlait tout à l'heure du paysage qui se débinait, enfin, moi, j'ai toujours l'impression qu'il va dire que c'est la vie qui se débine, en fait. Et on peut avoir ce sentiment-là, enfin, certains peuvent avoir ce sentiment-là de nos jours, quoi, qui n'ont pas d'espoir, en fait. Et un côté un peu... dans le monde qui est des brumes, il y a ce côté entre guillemets nos futurs, comme un peu comme aujourd'hui. c'est ce que dit le peintre Cros, hein, qui est vraiment la figure emblématique du monde d'après-guerre, un peu, enfin entre-deux-guerres, un peu désespéré. Il dit faut bien tuer quelqu'un. Ça c'est fort quand même. Et en parlant de son suicide, on lui dit alors tu veux toujours te tuer, faut bien tuer quelqu'un. Comme si c'était inenvisageable de vivre sans tuer en réalité. Donc pourquoi pas se tuer soi-même pour épargner les autres. Ce personnage de Michel Cros, c'est le nom du personnage dans le roman du peintre. Et d'ailleurs, c'est le seul personnage qui est vraiment qu'on retrouve quasi en tel quel dans le roman de McCorland, en fait. C'est le seul auquel ils n'ont pas touché, enfin, auquel Prévert n'a pas touché quand il a adapté le roman. Et c'est intéressant, d'ailleurs, je voudrais citer, dans le roman, on trouve, j'ai remarqué cette phrase, où il dit « Je verrai un crime dans une rose ». Dans le roman. Qui voit des choses que l'on ne voit pas. Oui. C'est quand il voit quelqu'un qui nage, il voit déjà le noyé, donc il veut peindre le noyé, et il pourrait peindre, en regardant une rose, il pourrait peindre le crime. Oui. Donc c'est, Ça, c'était dans le roman, de McCorland. Oui, la phrase dans le roman, c'est je verrai un crime dans une rose, donc c'est assez fort, cette histoire du personnage aussi qui dit je peins les choses derrière les choses, et ça fait penser à un peintre caricaturiste expressionniste allemand dont McCorland, je sais, était très fan, qui est Georges Cros, qui est un peintre quand on voit ses caricatures, ses peintres, c'est toujours des personnages très, assez visqueux, en fait. Oui, d'ailleurs, il y a l'image de la larve qui va venir ensuite. Alors, on va avancer dans le film, on a beaucoup d'extraits à entendre et vraiment... Et surtout, le plaisir d'entendre ces dialogues à la radio, les dialogues écrits par Prévert, on entend toujours différemment. Mmh. Quand l'image ne vient pas, presque parfois parasiter l'écoute, en fait. Oui, et je trouve justement ce qu'on disait en antenne, c'est qu'en fait, je pense qu'à justement le fait de diffuser ces extraits à la radio les rend encore plus forts que quand on voit le film, parce que là, on n'est pas parasité par l'image, qu'on aime ou on n'aime pas Gabin, les personnages, mais là, ces dialogues-là, du coup, là, ils prennent une force qui est décuplée, je pense, à la radio. Eh bien, alors écoutez le premier dialogue entre Jean et Nelly, à savoir Jean Gabin et Michel Morgan. Je précise pour ceux qui ne le sauraient pas que c'est dans ce film qu'on entend cette fameuse phrase « T'as de beaux yeux, tu sais ». Mais pas dans cette scène, là, c'est la scène de la première rencontre. Nelly, on se demande ce qu'elle fait là. Elle avait un imperméable transparent, c'est la nuit, elle est dans la cuisine de cette cabane. Et ils vont d'abord se rencontrer par le regard, carnet d'un réalisateur qui accorde énormément d'importance au regard, au regard de Gabin quand il filme Galbin. Donc ça, on ne pourra pas l'entendre, mais imaginez avant le début de ce dialogue qu'il y a eu un échange de regards, champ contre champ, d'une intensité incroyable. J'en parlerai après. Gabin, qu'est-ce que t'attends pour me dire bon appétit, toi? Tu connais pas les convenances, non? Clébard, il y avait longtemps, t'as peut-être faim aussi, toi, tiens. Il est à vous? Il a une jolie tête. Toi aussi. Tiens, t'es belle et tu me plais. En vague. T'es pas épaisse, mais tu me plais. Comme au cinéma, je te vois et puis tu me plais. Un coup de foudre. Un coup de bambou, d'amour, quoi. Tu sais, le petit mec avec ses ailes dans le dos puis les flèches. Les cœurs sur les arbres, la romance, puis les larmes. Voilà. Vous êtes toujours pareil, t'as la vacherie et compagnie. Vous le pensez vraiment? Quoi? Ce que vous dites, l'amour. Ah là là. Les gonzesses, c'est toujours pareil. Elle fait turf et puis c'est sentimental comme une colombe de carte postale. Qu'est-ce que vous avez dit, le turf? Oui, quoi. On t'a pas appris les langues vivantes, non? Le turf, le tapin. Pourquoi me parlez-vous comme ça? Oh, dis donc, beau mec. Tu vas pas me faire croire que t'es venu ici pour apporter une galette à ta vieille grand-mère, non? T'es pas un petit chaperon rouge. Et je vais te dire, c'est dommage parce que... Moi, je suis le gros méchant loup. Et il est bête, hein, le gros méchant loup. Crois-tu que ça me donne bonne mine, le kaki? Dis donc. Pourquoi riez-vous tout le temps comme ça? C'est pas un vrai rire, c'est un rire triste. J'avais une femme aimée un grifton, toi, hein? Puis d'abord, je sais pas pourquoi je te dis ça, parce que... avant, ça rien. Un homme et une femme, ça peut pas s'entendre. Ils parlent pas pareil. Ils n'ont pas le même vocabulaire. Ils peuvent peut-être pas s'entendre, mais... ils peuvent s'aimer. Bon. J'ai aimé quelqu'un, toi? Non, pas vraiment. Ah bon, alors. Qu'est-ce qu'il y a? Les coups de feu, c'est sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons du Quai des Brumes aujourd'hui pour la dernière émission de notre série sur la Prévert et Carnet. Aujourd'hui en compagnie de Philippe Morisson. L'amour revient évidemment, on en a parlé chaque jour de cette semaine. Prévert au dialogue, au scénario, il y a de l'amour dans tous les films. Alors là, difficile de croire quand on entend ce premier échange qu'il va y avoir de l'amour. Et quel amour entre Jean Gabin et Michel Morgan. Il lui parle la bouche pleine en ouvrant la bouche. C'est vulgaire. Quoi, très vulgaire, très gouailleur. Et pourtant, alors dites-nous, comment est-ce que le premier regard qu'il y a eu entre eux, change comment la façon dont on perçoit le dialogue ensuite. Bah là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il a Panama, qui est le patron de ce Brice Bistrot, cette cabane, va lui chercher à manger, dont on parlait tout à l'heure, et dans la séquence précédente. Et donc, il arrive dans la cuisine, et là, la cuisine, donc, Gabin s'assoit pendant que Panama lui amène de quoi manger. Et là, le regard se tourne, et là, il aperçoit devant la fenêtre Morgan, qui lui tourne le dos, qui regarde par la fenêtre. Elle a son célèbre impair transparent avec un béret. Ça lui fait un look qui est magique. Enfin, je trouve c'est, je ne m'en lasse pas. Mmh. Je trouve c'est vraiment c'est une grande poésie cette scène. Donc il y a ce regard. En fait, il lui demande qu'est-ce que t'attends pour me souhaiter bon appétit. Et elle se retourne vers lui et elle le regarde d'un air, mais genre comme si elle avait vécu 10 000 vies. Qu'elle est genre, mais tu m'impressionnes pas une seconde. Et lui, du coup, il est un peu désarçonné, puis il va reprendre après son monologue qu'on vient d'entendre. Et la scène est vraiment très forte. Et ça, c'est la magie de Carnet. Pour revenir sur l'auteur de Carnet en tant qu'auteur. On entend là les deux visions opposées de l'amour de manière très caricaturale. Hein, oui. Les gonzesses qui vont encore parler d'amour. Moi, je suis le grand méchant loup, etc. Et elle lui dit cette phrase qui là vient apporter une forme de subtilité dans ce dialogue exagérément vulgaire. On voit bien qu'il se force parce qu'il est mal à l'aise au fond. Il dit, mais pourquoi vous avez un rire triste? La notion de rire triste, elle est comme ça. La manière dont elle le dit aussi, c'est assez fort, parce que du coup, elle a tout de suite cerné le personnage que Gabin essaie de se donner là. En fait, même lui-même, je pense qu'il n'y croit pas. Et donc, comme elle n'est pas du tout impressionnée, elle lui sort cette phrase qui est très forte en plus, qui en plus fait écho. Moi, j'ai tout de suite pensé à un autre film de Carnet avec Prévert, qui est Les Visiteurs du Soir, et dans laquelle il y a une scène donc dans Le Visiteur du Soir. Je résume, il y a deux amants, Anne et Gilles, joués par Marie et Alain Cuny, et à un moment donné, il y a cette scène. Anne lui dit qu'elle est heureuse, qu'elle se sent heureuse parce qu'elle est dans ses bras, et donc Gilles lui répond le bonheur qui en l'ennuie. Savez-vous vraiment si je m'appelle Gilles? Et là, il rit d'un rire vraiment. C'est triste. Et elle lui supplie dans Les Visiteurs du Soir, ne riez pas comme cela d'un rire aussi triste. Et Prévert, en fait, a dissimulé comme ça dans plusieurs films, avec Carnet ou d'autres, des petites phrases comme ça qui se répondent, en fait. C'est assez intéressant quand on s'en rend compte, parce que on voit que c'est des choses qui sont vraiment importantes pour lui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces textes-là, quand on lit l'œuvre de Prévert, on voit que ce sont des thèmes récurrents. Et quand on l'entend à chaque fois interprété par un comédien avec un ton si caractéristique. Ce que vous me disiez, hein, finalement, ce qu'on entend, la manière qu'ils ont de formuler, de prononcer ces phrases. Oui, c'est parce que on le sait que Prévert, quand il écrivait ses dialogues, il écrivait en sachant comment l'acteur allait les dire, ces phrases. Donc là, ce qui est intéressant à la radio pour ceux qui nous écoutent, c'est que là, du coup, vous pouvez, je pense que c'était très flagrant sur l'évolution de cette scène où Gabin parle, le changement dans sa voix, en fait, donc il commence, voilà, il est assez vulgaire, gouailleur, tout ça. Et puis à la fin, le ton de sa voix change, en fait, et ça donne encore plus de force à ce dialogue. Que lui a écrit Prévert. Alors il faut qu'on introduise un autre personnage. Alors quel personnage? Un personnage abominable qui est vraiment la figure du mal. C'est pas le diable des visiteurs du soir dont on parlait mardi, mais c'est tout comme. Enfin c'est bien pire même. Il est bien plus terrible que le diable. Il s'agit de Zabel, qui est le tuteur de Nelly. Donc il a hébergé Nelly, qui, comme bien souvent dans les histoires de Prévert, n'avait pas de parents. Voilà, oui. Donc il s'est occupé d'elle, il est joué par Michel Simon, et on sait assez vite, dès le début du film, que c'est sans doute lui, en tout cas c'est l'assassin présumé du petit ami de Nelly, voilà, Maurice. Dont les personnages du film recherchent le corps pendant toute la durée du film. Et alors, par hasard, Jean Gabin, une fois qu'il a rencontré Nelly, va lui acheter un cadeau, il entre dans la boutique et il rencontre le tuteur, il est dans la boutique du tuteur de Nelly, donc il va rencontrer Michel Simon. Écoutez la façon, l'échange qu'il y a entre les deux, on se rend compte que le personnage, le mauvais, paraît d'abord gentil, et Gabin qui parle mal est en fait lui du côté du bon, tout est brouillé. Mais avant cela, avant qu'on entende cet extrait, vous avez parlé de Michel Morgan, on parle de son regard, nous avons beaucoup parlé d'Arletty cette semaine, Michel Morgan, rendons-lui hommage, écoutez Marcel Carnet raconter sa première rencontre avec Michel Morgan, et ensuite l'horrible Zabel. J'avais vu Michel Morgan dans un petit rôle de Gribouille qu'elle tournait avec Rémur, côté de Rémur, et je lui ai demandé de faire un essai, mais un essai très valable, en ce sens que je lui ai demandé tout simplement de tourner une scène de Quai des Brumes. Mm-hmm. Et par une espèce de miracle, il faut bien dire, il n'y a pas d'autre mot quand on connaît le monsieur, Jean Gabin a accepté de lui donner la réplique dans l'essai. Et je dois dire que Michel était absolument extraordinaire. Et je dois dire qu'elle était presque meilleure dans l'essai que dans la scène qu'on a tournée par la suite. Il y avait évidemment une émotion qui jouait, vous comprenez. Il y avait une crainte, il y avait une émotion, il y avait peut-être un peu de tract et tout. Ça lui a donné une espèce de frémissement, de sensibilité qui était moins apparent peut-être dans la scène du film tournée ultérieurement. Vous étiez cette nuit chez Panama. Et après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je ne vous ai pas vu, mais j'ai vu votre chien. Il a grogné contre moi. Et Nelly était là, certainement, n'est-ce pas? Quand on me pose des questions qui me déplaisent, je réponds pas, moi. Les gens qui passent la nuit chez Panama sont des gens qui n'ont pas la conscience tranquille. Ah oui? Notez que je dis ça aussi bien pour vous que pour moi. Est-ce que vous avez la mémoire des chiffres? Moi, je l'ai. Tenez un chiffre, par exemple. 36-14. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, et bien je m'en souviens. Qu'est-ce que tu dis? Ne fais pas l'étonner, c'est ton numéro matricule. Je l'ai vu sur ta chemise tout à l'heure. Et alors? Eh ben alors, voilà. Avec les gens qui me rendent service, je suis la discrétion même. Toi, tu m'as déjà rendu service une fois, sans le savoir. Ah? Encore une Jean-Lucien Legardier. Qui ça? Oui, ce matin sur les quais. Je suis au courant de bien des choses. Et ce que je ne vois pas, je le devine. Si tu es venu au Havre, ce n'est pas par hasard. Ça te regarde pas pourquoi je suis venu. Peut-être, mais ça m'intéresse. Tu es venu au Havre parce qu'il y a des bateaux. T'as fait des bêtises et tu voudrais prendre de l'arge, hein? Changer de peau. Si tu veux de l'argent, j'en ai. Et même si tu veux des papiers, un passeport. Et puis? Et puis, alors, je te rends service, tu me rends service et tout le monde est content. Ce Lucien, il est la nuit au bord de l'eau. Tu le pousses, il tombe. C'est enfantin. Chaque fois qu'un borien disparaît, la société respire un peu mieux. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Ah oui? Eh ben, c'est tout réfléchi. Écoute, un jour au Tonkin, j'ai vu une bête dégueulasse, toute molle. Alors, rien que de la regarder remuer, ça donnait envie de vomir. Un scolopende, qu'ils appellent ça. Ben, c'est à ça que tu ressembles. Puis t'as une sale voix. Quand tu parles, on dirait que tu patauges dans l'avance avec des vieilles espadrilles. Ma voix est spéciale, en effet, et toi? Ouais, ben moi, je suis comme je suis. Et tout ce que j'ai fait de pire, c'est parce que j'étais en colère, t'entends? En colère. Parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien, il y a toujours des ordures comme toi qui viennent pour tout foutre en l'air. Tu me dégoûtes, tiens. Je vais me pas écraser les punaises. Je suis comme je suis, c'est une phrase qu'Arletty a prononcée dans Les Enfants du Paradis, hein, et je plais à qui je plais, reprise d'ailleurs dans la chanson ensuite. Pourquoi ce personnage est-il aussi horrible? Eh bien, justement parce qu'il n'en a pas l'air. Oui, voilà, il a cet air comme ça quand on la rencontre avec Gabin, là, il est tout à fait civilisé, voilà, poli. Il aime la musique religieuse, apprend-on. Oui. Il écoute, je crois que c'est Bach. Oui, c'est assez. Oui, c'est très très bien. J'allais dire, c'est assez étonnant. C'est très bien amené dans le film en fait, parce que bon, Michel Simon, je pense aussi, c'est l'acteur parfait pour jouer ce genre de rôle, mieux encore que Jules Berry qui joue le diable dans Les Visiteurs du soir. Mais Michel Simon, je pense qu'il ça devait vraiment en plus lui. On voit qu'il a l'air de se délecter de jouer un personnage aussi horrible, aussi parce qu'il le fait vraiment avec l'air de rien. Il amène son petit truc sur le bas. Tiens, si je te donne des papiers, tu pourrais peut-être me... Parce qu'il veut juste se débarrasser de lui. Ouais, voilà. Et c'est assez fort. Et faut savoir aussi que dans la scène là qu'on vient d'entendre, juste avant, il y a eu le Nelly Gabin, donc il est arrivé par hasard, comme vous l'avez dit, dans cette boutique. Et puis donc il rencontre Zabel, et puis donc Michel Simon, et puis il aperçoit au loin Nelly qui est dans la boutique au fond. Et en fait après donc Zabel l'amène, lui dit bah tiens venez prendre, vous connaissez, vous êtes amis, venez prendre un verre de cognac. Donc elle va chercher un verre de cognac dans la cave, et là elle tombe sur un bouton de manchette. Qui appartenait à Maurice, c'est ce qu'on comprend. Et donc du coup, elle comprend d'un coup que c'est là, elle a vraiment la certitude que c'est ton son tuteur. Donc déjà qu'il lui était assez insupportable. Il y a eu d'autres scènes dans le film où on s'en rend compte. Là vraiment, et donc elle va s'évanouir. Et c'est à la suite de ça où lui va l'amener dans sa chambre pour qu'elle se repose. Et puis à la suite de ça que cette scène arrive. Mais Gabin, il est pas dupe. Il a bien compris. Il se laisse pas amadouer par ces petites paroles comme ça de Zabel, et c'est pour ça qu'il l'explose et il le laisse parler, et puis à un moment donné il explose, et puis surtout la phrase de la fin quand il dit chaque fois que quelque chose de bien arrive, il y a toujours des ordures comme toi pour tout foutre en l'air. Ça c'est aussi un truc qu'on retrouve beaucoup chez Prévert, ce genre de comme ça d'explosion, de comme ça de par rapport à ce genre de personnage, en fait. C'est un truc qu'on retrouve aussi chez Prévert dans... assez souvent. Et il le compare à un scolopendre, ouais. L'image du mal est parfaite. Et pourtant, comme souvent aussi chez Prévert, le mal, c'est la personne qui incarne le mal, n'est jamais complètement à jeter. Il y a toujours une petite faille, une petite faiblesse. Le diable dans Le Visiteur du Soir, se retrouve un peu ridicule et c'est lui qui perd. Mmh. Et là, un peu plus loin dans le film, Zabel, le personnage joué par Michel Simon, le dit, il dit, mais pourquoi vous parlez tous d'amour, en fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime, moi? Oui. Et il le dit avec une sincérité désarmante, comme si, au fond, il souffrait du fait de ne pas être aimé. Et en plus, il va dire aussi une autre phrase, mais comment peut-on être aimé quand on a, comme moi, la gueule de Barbe Bleue? Oui, en même temps, il dit que moi, je l'aime, ma tête. Oui, et lui, il aime sa tête. Il dit, pas c'est celle que j'aime. Et c'est très touchant quand il dit ça, du coup, ça donne un côté plus paradoxal à son personnage. Il dit, mieux vaut cette tête-là que pas de tête du tout. Oui. C'est sa phrase. Et il dit, ma tête, elle ne plaît à personne, mais moi, elle me plaît. Donc, il y a toujours cette nuance dans les personnages qui font que même l'horreur incarnée a quelque chose. C'est pas qu'on a envie de l'excuser, mais elle est humanisée. Oui, voilà. Et moi, je pense que c'est aussi une grande force de Prévert, aussi, dans ses dialogues, parce qu'on retrouve ça dans plusieurs fois dans nombre des films auxquels il a collaboré. Hein, et ça, c'est ça. On dit souvent que chez Prévert, les gentils sont gentils, les méchants sont méchants, mais quand même, c'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe quand même. Ce personnage de Zabel, justement, le montre. Alors, on va retrouver Nelly et Jean un peu plus loin dans le film. Ils sont vraiment amoureux, et là, vous allez voir comment la façon qu'a Jean de parler est très différente. Ils sont dans une fête foraine. Il s'assoit sur un banc pour discuter et c'est vraiment le dialogue amoureux du film qui laisse penser qu'ensuite, Jean va repartir et que le film se terminera. Il en ira autrement. Mais d'abord, écoutez cette scène. T'as pas faim? Non, j'ai envie de rien. Je suis bien. C'est vrai? T'es bien avec moi? Ah, vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux. Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Pleurer, hein? Nelly. Quand vous m'appelez comme ça, Nelly, c'est comme si vous veniez me chercher très loin quand j'étais petite. Oh, t'es pas tellement grande, tu sais. Si, j'ai grandi trop vite. Et puis j'ai vu trop de choses, alors je suis abîmée. Oh, abîmée. T'es folle, voyons. T'es la fille la plus fraîche que j'ai jamais rencontrée. C'est difficile de vivre. Oui. On est seul. Pourtant, des fois, tu vois, on rencontre des gens qu'on connaît à peine, qu'on verra peut-être jamais, puis vous rendre service. Je sais pas pourquoi. C'est marrant. C'est parce que les gens s'aiment. Non, ils n'en s'aiment pas. Ils n'ont pas le temps. Moi, je vous aime, Jean. Tais-toi, ouais, tu causes comme une enfant. Si, je suis sûre que je vous aime vraiment. Faut pas me laisser. Sans vous, qu'est-ce que je deviendrai? Je ne veux pas retourner chez Isabelle, c'est fini. Je peux plus vivre comme ça en ayant peur tout le temps. Vous allez bien rester encore quelques jours. Qu'est-ce qui t'a dit que j'allais partir? Je ne sais pas, quand je vous ai vu en civil comme ça, tout d'un coup, j'ai pensé que... Ah, mais qu'est-ce que ça peut faire? Si vous partez, peut-être que vous m'emmènerez. Alors, il faut me garder. Et il faut me garder, quelle supplication. Oui, il faut qu'il la garde. Alors, t'as de beaux yeux, tu sais, on a entendu cette phrase. Alors, peut-être les plus attentifs d'entre vous, chers auditeurs, ont remarqué qu'au moment où elle prononce cette phrase, la musique change, la tonalité change. Ça, c'est... Et moi, j'ai mis très longtemps... Enfin, c'est un film que j'ai vu, évidemment, beaucoup de fois. Et j'ai mis très longtemps à me rendre compte de ce passage de, au niveau musical de Maurice Jobert. Parce que qu'est-ce qu'on voit à l'image à ce moment-là ? Parce que oui, voilà, c'est intéressant de, quand même pour, si vous n'avez jamais vu le film, que je vous décrive vite fait. En fait, pourquoi ? En fait, parce que quand on lit la phrase « T'as de beaux yeux, tu sais », on se dit pourquoi cette phrase est aussi connue ? Parce oui. qu'on dit « Bon, bah oui, oui, t'as de beaux yeux, tu sais, oui, alors ?» C'est quoi le truc ? Et en fait, je pense que quand on voit la scène, on comprend pourquoi elle a autant marqué les esprits depuis tout ce temps et qu'elle est passée dans la culture générale en France, quoi. Et c'est que, en fait, la manière dont Carnet amène au niveau image la scène, et puis la manière dont c'est amené au niveau des dialogues, enfin, tout concourt à ce que ce soit une alchimie entre, la lumière du chef opérateur que Eugène Schuftan, avant le tas de beaux yeux, il y a un chant contre chant avec quand c'est Morgan qui lui dit, qu'elle est, heureuse, elle se sent, elle dit, je suis, attendez, faut que je me sens bien, je me sens vivante, je me sens vivante. Et à ce moment-là, donc, on a Gabin qui est en contre-jour, donc c'est le visage de Morgan prend toute la lumière. Et lui, répond, mais ça tient pas en l'air, tout ce que tu dis, et là, c'est Morgan qui est dans l'ombre. Et là, on est déjà en plan assez rapproché. Et à ce moment-là, donc, là où il y a un gros plan, mais un très gros plan sur le visage de Gabin qui lui dit « T'as de beaux yeux, tu sais ». Et donc, et là, Morgan lui répond « Embrassez-moi ». Donc là, on est en contre-champ sur Morgan, en gros plan. Et là, c'est vraiment tout se joue sur le visage des acteurs. C'est-à-dire que là, s'il y a pas l'émotion, passe pas. Là, ça passera pas parce que ça va tomber. On n'aurait pas retenu cette phrase s'il n'avait été qu'écrite ou que prononcée à la radio. Il faut l'image pour comprendre la force. Oui, je pense que là, à la radio, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, cette phrase, je pense, peut-être passe au moins bien, peut-être. Mais, c'est aussi parce que, il y a la lumière, donc, d'Eugène Schuftan. Il y a aussi la manière dont Carnier a découpé la scène. Il y a la manière aussi dont évidemment, des dialogues. Il y a la manière de la musique aussi, comme vous avez remarqué, ce changement de musique. C'est aussi, Maurice Jobert, la musique au début, c'est de l'accordéon. Et ça passe au violon, en fait, au moment où Gabin dit tête beaux yeux. Et c'est vraiment, je pense, l'impact du gros plan, c'est vraiment, je pense, une influence aussi qu'on peut du muet, de l'amour du muet chez Carnet, parce que l'une des grandes inventions du muet, pour ma part, c'est l'apport du gros plan. Je pense à La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, où le film, il y a du gros plan quasi sur tout le film, et en muet. Et là, sur cette scène, c'est vraiment le gros plan en cinéma, surtout en cinéma en noir et blanc, c'est un impact très fort, surtout quand on a des acteurs comme Gabin. Et quand on a des yeux comme ceux de Michel Morgan. Et voilà, c'est... Et une gouaille comme celle de Jean Gabin. Voilà. La fin du film, Philippe Morrisson, c'est la fin de l'émission aussi. Oui, on y arrive. On y arrive, oui. Alors, Jean a monté sur le bateau, il a voulu partir, puis il est quand même allé voir... retourne voir Nelly, qui est en train de se faire agresser par son tuteur, donc par Zabel, pour la défendre. Il le tue à coups de briques. On ne voit rien, on entend tout. On voit que c'est quand même très violent. Et la censure, d'ailleurs, avait coupé des scènes. En fait, il voulait pas qu'il lui donne plus que deux coups pour le tuer. Et puis, en fait, Carnet raconte qu'en fait, ils se sont débrouillés pour en mettre un peu plus. Il y en a trois ou quatre dans la version que j'ai vue. Voilà. En tout cas, cohérent qu'il parte, puisqu'il veut partir depuis le début du film, qu'il cherche à partir, qu'il a un passeport. On n'est pas rentré dans les détails, mais il a obtenu un passeport et une autre identité pour pouvoir partir. Elle pense que c'est fini, qu'il s'en va, et il revient. Et donc forcément, la question qu'elle pose, c'est la suivante. Pourquoi es-tu revenu ? Oh, comme ça, j'étais déjà à bord, et puis je suis redescendu parce que je voulais te revoir. Je voulais te dire que moi, une fois, j'avais été heureux dans la vie à cause de toi. Oh, Jean. Mais le bateau n'est pas encore parti, tu peux peut-être le prendre. Hein ? Oh, le bateau, quoi. Oh, Jean, écoute, je t'en supplie, il faut que tu t'en ailles. Viens. Embrasse-moi. Vite. Vite, on est pressé. Vite. Avec une balle dans le cœur, enfin plusieurs balles dans le ventre et dans le cœur, il est agonisant, il s'apprête à mourir et ses derniers mots sont « Embrasse-moi, on est pressé ». Ouais, c'est très beau, je trouve, cette fin-là. En plus, c'est bon, c'est, donc il n'y a pas d'happy end, comme vous l'avez compris. Non, mais il est sur le point de mourir, mais, il dit qu'il est pressé. Ouais, c'est en plus il y a un échange de regards qui est cette scène est filmée en gros plan également comme celle de Ted Beausieu et cette scène répond en contrepoint du coup à celle de Ted Beausieu parce que cette fois-ci c'est Gabin qui dit embrasse-moi et puis il y a cet échange de regards qui est assez bouleversant dans le film et je pense qu'il est toujours c'est un film qui est également par cette fin, il y a une grande poésie assez désespérée quand même. La fatalité le rattrape. C'est la fatalité, en fait. Voilà. Ça, c'est la fatalité. On n'en a pas parlé de la fatalité, mais la fatalité, c'est toujours quelque chose qui est très présent dans les films de Carné, avec ou sans Prévert. Et dans Hôtel du Nord, c'est pareil. Dans les films de la deuxième partie de carrière, c'est toujours des. La fatalité, c'est aussi un autre personnage dans les films de Carné. Voilà, souvent les personnages sont rattrapés par le destin, la fatalité. Et nous, on est rattrapés par l'heure qui tourne. Merci beaucoup, Philippe Morisson, d'être venu nous parler. Merci de m'avoir invité. Quai des Brumes aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs au site que vous animez. On mettra les références en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Il s'appelle La Belle Équipe. On entend un dernier extrait du film pour accompagner, pour rappeler la musique de Jobert. À bientôt. Merci. À bientôt. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver Anastasia Colosimo pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Nous continuons notre série sur les sept péchés capitaux. Hier, l'orgueil, aujourd'hui, l'avarice. Vous avez reconnu Money, Money, Money d'Abba. Pour lui, l'argent fait définitivement le bonheur. L'avare, le radin, le pingre ou encore le rapace. C'est celui dont le vice, selon le philosophe grec Théophraste, est d'oublier tout honneur et toute gloire quand il s'agit d'éviter la moindre dépense. Dans son tableau, La mort de l'avare, Jérôme Bosch montre un homme qui, à l'heure de sa mort, persiste dans son avarice. Assis dans son lit, prêt de rendre l'âme, l'horrible personnage semble irrémédiablement attiré par un sac d'or que lui tend un diable, malgré l'ange qui tente de le sauver et la mort qui passe la tête par la porte et pointe vers lui sa flèche. Pour les théologiens du Moyen-Âge, comme le rapportent Carla Casagrande et Silvana Vecchio dans leur ouvrage « Histoire des péchés capitaux au Moyen-Âge », l'avarice est l'amour excessif de la possession de richesses, le plaisir particulier de l'âme, la possession, et de l'esprit, la jouissance de la possession. C'est à la fois amasser et ne pas faire circuler, ne pas transformer, ne pas partager. C'est tout le sens d'ailleurs de la parabole des talents. Condamné par Paul, qui considère que la cupidité est la racine de tous les maux, l'avarice lutte pour le statut théologique de matrice pécamineuse avec l'orgueil. L'avare est asocial. Qu'il soit religieux ou laïque, il met en péril l'Église et toute la communauté chrétienne. On pense naturellement à l'avare de Molière, adapté de la marmite de Plaute, et à l'avarice légendaire de son personnage principal, Harpagon, un riche veuf qui veut marier ses enfants Cléante et Élise, mais qui reste obsédé par la cassette pleine d'or qu'il a enterrée dans son jardin et dont il est convaincu qu'elle est l'objet de toutes les convoitises. La meilleure interprétation revient à Louis de Funès. Je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Hélas, mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en puis plus. Si au théâtre, c'est Harpagon qui remporte la palme de l'avarice, dans le roman, c'est Félix Grandet, père d'Eugénie Grandet dans la comédie humaine de Balzac. Extrait. Il voulut rester assis au coin de son feu, devant la porte de son cabinet. Il attirait à lui et roulait toutes les couvertures que l'on mettait sur lui et disait à Nanon « Serre, serre ça pour qu'on ne me vole pas ». Quand il pouvait ouvrir les yeux, où toute sa vie s'était réfugiée, il les tournait aussitôt vers la porte du cabinet où gisaient ses trésors en disant à sa fille « Y sont-ils? Y sont-ils ?» d'un son de voix qui dénotait une sorte de peur panique. « Oui, mon père, veille alors, mets de l'or devant moi. » Eugénie lui étendait des louis sur une table et il demeurait des heures entières, les yeux attachés sur les louis, comme un enfant qui, au moment où il commence à voir, contemple stupidement le même objet. Et comme à un enfant, il lui échappait un sourire pénible. « Ça me réchauffe », disait-il quelquefois, en laissant paraître sur sa figure une expression de béatitude. Lorsque le curé de la paroisse vint l'administrer, ses yeux, morts en apparence depuis quelques heures, se ranimèrent à la vue de la croix, des chandeliers, du bénitier d'argent qu'il regarda fixement, et sa loupe remua pour la dernière fois. Lorsque le prêtre lui approcha des lèvres le crucifix en vermeil pour lui faire baiser le Christ, il fit un épouvantable geste pour le saisir. Ce dernier effort lui coûta la vie. Fin de citation. L'avarice coûte cher, elle éloigne les êtres aimés, mais elle peut aussi déséquilibrer les sociétés. C'est ce que prouvent les figures contemporaines de l'avarice, comme celle du terrible Gordon Gekko, interprété par Michael Douglas dans le film Wall Street de 1987, réalisé par Oliver Stone. Jusqu'où ça ira, hein? Combien de yachts il te faut pour aller te balader? Combien d'argent il te faut? Combien, c'est pas la question, Bud. C'est comme à la balançoire, un jour tu montes, un autre jour tu descends. L'argent en soi n'est pas gagné ou perdu, il est simplement transféré d'une poche à une autre poche, voilà tout. C'est comme un tour de magie. Cette peinture-là, elle m'a coûté 60 000 dollars il y a 10 ans de ça. Aujourd'hui, j'en tirerai plus de 600 000. L'illusion s'est transformée en réalité. Et à mesure qu'elle devient plus réelle, ton besoin de la posséder grandit. Le capitalisme triomphant. Le capitalisme triomphant. Mais comment s'en sortir? La réponse est dans le titre du deuxième opus, paru en 2010. La solution n'est pas évidente, car l'argent, lui, ne dort jamais. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la Philo. Merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Anaïs Isbert, Sharon Houry, Isis Jourda, Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Pierre Montagne à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi, profession philosophe. C'est la formule que nous vous proposons désormais le vendredi depuis la rentrée. Nous partons chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Et bien demain, nous serons en compagnie du philosophe Jacques Darula. D'ici là, pour réécouter cette série sur Carnet, Prévert, ainsi que les précédentes des chemins de la philosophie, celle de 2018, 2017 et même avant, et bien c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster, c'est aussi très simple. Et ça vous permet d'écouter l'émission où vous voulez, et quand vous voulez, avec qui vous voulez, et la garder pour une durée illimitée, pensez-y. Rendez-vous aussi sur les réseaux, Facebook, Twitter et Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain donc à 10h précise, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.